Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Et je suis accompagné de mon collaborateur de toujours, Monsieur Andrew Castegan. Comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Michaud. Et là, Andrew, cette semaine, on va parler bien évidemment du E3 qui est encore en cours, là, qui a commencé au début de la semaine. Et là, il y a eu quand même quelques bonnes annonces et des belles surprises. On va vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Donc, on va vous parler entre autres de la conférence de Sony, de Microsoft, Nintendo et aussi des conférences un peu plus rapidement là, de Ubisoft et EA. Ben, Nintendo, ça va être très rapide aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment fait de grosses conférences. Ouais, là. Puis... d'exception. Vous allez bien Sega voir. Sega Spectrum. C'est ça finalement. On va vous en parler également un peu plus tard. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est votre magazine d'intérêt ludique que vous pouvez retrouver au www.puissancemaximale.com pour aller écouter nos anciennes émissions en version podcast. D'ailleurs, on s'excuse pour celui de la semaine passée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment un problème technique à la station. C'est pas ma faute. Non, tout à fait. Arrêtez de m'envoyer des courriels me disant que je vais être fusillé. À l'aube, comme le veut la tradition. Exactement. Je soupçonne que c'est Mike qui l'a envoyé. Et là, ça griche pendant les musiques, puis aussi quand on parle, donc mea culpa. Mais tout ça étant dit, donc triple si ça survient, le technicien sera fusillé à l'autre. Et voilà. Pas moi. Donc, le technicien. Rendez-vous au www.puissancemaximale.com pour écouter nos anciennes émissions. Et aussi sur Facebook pour nous retrouver. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Et on vous demande, bien évidemment, d'appuyer sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et aussi, on vous invite à participer à la campagne de financement de l'émission qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec la station. C'est vraiment juste pour l'émission. C'est nous qui organisons ça. On demande des petits sous comme ça pour nous aider à arriver au 2.0, nouveau site et aussi pour achat de matériel pour faire de l'itinérance en mode itinérance pour partir partout au Québec pour faire des émissions spéciales dans les événements geeks de la province. Et on va commencer comme à notre habitude en musique, M. Castegan, et on va y aller parce que je me suis trouvé ça sur Internet en pack MP3. On va écouter ça, un petit Epic Rap Battle of History, et vous allez entendre Adolf Hitler versus Darth Vader 2. Parce que c'est la suite du premier vidéo et je trouve que lui est plus épique. Donc, on va entendre ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. You out so I can beat your ass a second time. Roar like Chewbacca, the voice of Mufasa. I'm on the leader of your lift, your Kufasa. I strike back hard against a Nazi. Brain toss your ass in the air, Yahtzee. Ask Indiana Jones who the fuck I am. I spit six shits of focus, I break your concentration camp. I'm a certified Sith Lord, you run, so suck on these. These what, sir? These robot nuts! I'm gonna enjoy watching you die, so let me do it, get my food. You look stressed, Vader. You appear to be in pain. You need a vacation. Here, take a trip on my train. I mean, you, needing an army of white men, disgraceful. Yeah! Yeah, take that! What's the matter? Where is the DJ? Why are you laughing? Because you're standing over the Rancor pit. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson de la série YouTube Epic Rap Battle of History. On va vous parler, mesdames et messieurs, du E3 et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va avoir une grosse émission encore cette semaine. On va vous parler de Microsoft. Et oui, M. Castagnan, ils nous ont présenté, évidemment, la Xbox One. Et ça, sans faire, je n'en reviens toujours pas qu'ils aient appelé leur console comme ça. Moi, sans faire, s'ils me parlent de ça, je suis tout mêlé, pour vrai. Mais maintenant, c'est une source de mimes incroyable sur Internet. Vous allez savoir pourquoi qu'on va parler aussi de la... Une que j'ai trouvée très bonne, d'ailleurs, c'est le score du E3 Xbox One, PlayStation 4. Un excellent mime, effectivement. On va parler de la présentation rapidement. Écoutez, un stage beaucoup plus sobre qu'à l'habitude. Des problèmes flagrants de rythme au niveau de la présentation. Il y avait vraiment pas beaucoup de musique d'accompagnement quand il y avait des transitions entre les intervenants. Ils ont commencé 20 minutes en retard aussi. Des longueurs également. Manque d'enthousiasme flagrant dans la salle. Ça criait pas, ça sautait pas au plafond beaucoup. Et aussi des problèmes de son. On avait des vidéos, on a eu quelques vidéos avec. Soit des décalages de son ou encore pas de son. Ou pas de son du tout. Donc ça a été un problème. Disons que ça fait des présentations qui paraissent pas professionnelles. Puis quand on est autour de E3, disons que ça fait un peu chier, on va le dire. Là. Et bon, ça en gros, c'est la présentation. Mais là, on va parler des annonces. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Attends, premièrement, il faut que je dise. Les scènes de démonstration de jeu avec la Xbox Surface et la Kinect, il y en a une qui était stagée. Et oui, c'est rendu une tradition là, pour Microsoft là, dans leur présentation. Ouais. Donc stagé, évidemment, là, on voyait très bien que c'était pas en real time, puis qu'effectivement là, on n'avait pas quelque chose de réel entre les mains. Mais il y a quand même eu des bons titres et des bonnes choses qui ont été annoncées. Ça n'est pas que du mal parce que évidemment Xbox One, on vous rappelle rapidement, Andrew, ça va rester comme on vous a dit, obligation d'être connecté sur Internet au moins 24 heures. D'ailleurs. Il y a eu vraiment une réponse assez, on va le dire, assez imbécile de la part du représentant de Microsoft lors d'une entrevue après en disant « Ouais, mais les gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas un accès facile à Internet, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur Xbox One? » Et le président a répondu « Ben, qu'ils restent avec leur PlayStation, avec leur Xbox 360. » Bravo, sans farce. Déjà qu'avec ce qui est annoncé en fait, chez qu'est-ce Sony... qu'il disait, Internet est relativement facile d'accès. On a eu juste un commentaire d'un usager qui se plaignait parce qu'il était dans une genre de zone post-nucléaire. Bref, une espèce de réponse un peu houleuse. Et moi, j'ai rien qu'une chose à répondre à Microsoft. Les gens qui ont des chalets puis qui n'ont pas Internet, mais qui ont l'électricité puis qui passent l'été là-bas puis ça leur tente d'emmener leur Xbox One... Et voilà. Ben, ils vont chez le diable. Ça, c'est un. Ben, en fait, de toute façon, à la base, être obligé d'être. Que ça soit une obligation, là, ça, c'est d'un ridicule assez consommé, disons-le. Ça, c'était la réponse du représentant de Microsoft. Gardez votre Xbox 360. OK, c'est ridicule. Là. Ça, on va le dire tout de suite. On continue aussi avec. On rappelle rapidement contrôle avec les jeux, attaché à une seule console. Et comme une bonne machine quand même, avec des bons specs, là, ça va. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de contraintes au niveau de l'utilisation de votre machine. Je vous dirais la chose qui m'a rendu le plus content avec la console de la conférence de Microsoft, c'est le remaniement qu'ils ont fait sur l'abonnement Xbox Gold. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça consistait, ce remaniement-là? Ils vont donner deux jeux complets gratuits par mois. De Xbox 360, comme le premier, c'est ça, Assassin's Creed 2 et Halo 3. Ouais. Donc, ils vont faire une rotation comme ça, mais à date, ils ont juste parlé des gros titres qu'ils donnaient gratuits. À peu près, comme Sony fait avec l'abonnement PlayStation Plus. Par la suite, ils disaient que ça allait prendre un abonnement Gold 1 par console, parce qu'avant, c'était pas le cas. C'était associé au compte et non pas à la console. Tandis que là, c'est associé à la console. Donc, la même tournure, là, dans le fond, là, que le jeu. Là. Fait que vous avez juste besoin de payer une fois l'abonnement pour que toute la console au complet soit en ligne et ait les mêmes bénéfices. Oui, c'est ça. Ça a des désavantages dans le sens où vous allez ailleurs, ben, vous ne pouvez pas vous connecter avec votre compte, mais au moins, ben là. Ben, peut-être. Ils n'ont pas, ouais, pas abordé le détail sur comment faire pour avoir son compte sur plus qu'une console. Mais maintenant, à la maison, vous avez votre 3, vous allez avoir votre Xbox One, ben, tout le monde à la maison va être connecté. Ça va être obligé d'avoir un compte à chaque fois puis de repayer à chaque fois. C'est ça. Donc, annonce rapide, là, on va continuer parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Écoutez, ça a commencé la conférence avec l'annonce des Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ça a l'air quand même assez le fun. Mais c'est pas une exclusivité. C'est pas une exclusivité, mais ça a vraiment l'air intéressant. Dans un monde ouvert annoncé pour les amateurs de la série, ça a l'air vraiment intéressant. Ben, c'est une première, en fait, que le monde soit ouvert dans Metal Gear, là. Fait que c'est intéressant pour ça. Tout à fait. Autre grand titre qui ont été annoncés, Battlefield 4, bien évidemment, qui s'en vient sur qui va s'en venir aussi sur PC, là. Mais qui va avoir des petites activités avant sur Xbox One. Mais on a vu des images, ça va être évidemment un jeu magnifique parce que ça va être avec un... D'ailleurs, il y a une vidéo d'une séance de jeu en ligne multijoueur sur le Facebook de Battlefield. Je vous conseille d'aller le voir. Parce que ça va être avec le nouvel engin, Frostbite 3, qui s'en vient. C'est magnifique. Écoutez, pour les amateurs de ce genre-là, déjà que Battlefield, en tout cas, dans le genre de jeu-là, donc de first person à multijoueur... Et de loin meilleur à Call of Duty, selon moi. Donc, les gens qui sont amateurs de la série, de la franchise, vont retrouver quelque chose de vraiment très intéressant et encore là, de magnifique sur le marché. Forza 5 aussi qui a été annoncé, qui va être très, très beau aussi. Et d'après ce que j'ai cru, Marquis, il va y avoir des dégâts sur le véhicule. Puis, ils ont mis de l'avant un nouveau système de genre intelligence, un avatar, dans le fond. Quand un drive-atar, qui appelle ça. Ouais. C'est que, finalement, la console va prendre un peu vos habitudes de conduite, va les enregistrer, et quand vous serez pas là, ben il va avoir possibilité pour vos amis de jouer contre vous, mais en fait, contre votre drive-atar, qui va avoir pris... en tout cas, je sais pas si ça va être très si efficace que ça, mais qui va avoir pris un peu vos habitudes de conduite, comment vous approchez les courbes, comment vous allez justement prendre les courbes, comment vous allez conduire dans telle condition, et c'est ce qui va jouer à votre place. Ce sera pas une intelligence artificielle purement par rapport au jeu. Il va quand même avoir un peu de vous, comme ils nous ont expliqué. Quand même un concept très intéressant. J'ai hâte de voir à quel point ça va aller, là. Mais quand même intéressant. Et un autre titre que moi j'ai fait, je suis content, moi je vais jouer sur PC, mais Witcher 3, qui va être de toute beauté, dans une nouveauté pour la franchise, dans un monde ouvert, dans un open world, où on va avoir de nombreuses et nombreuses quests pour... Mais je trouve ça spécial qu'ils fassent sur Xbox One, malgré leur politique de un jeu, une console. Mais les autres, ils ont comme une politique non DRM. Oui, CD Projekt Red, ils marchent beaucoup avec la gang de GOG. Donc, Good Old Games, qui, eux autres, ils vont sans DRM, effectivement. Mais bon. Et Microsoft a dû se payer quand même assez cher. C'est pas une exclusivité, bien évidemment. Vous allez avoir ça sur PC et sûrement sur d'autres consoles. Mais c'est. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Côté PC, moi, je vais être là à 100%. J'ai vraiment hâte que ce jeu-là sorte, bien évidemment. Autres licences qui ont été nommées, des trucs quand même intéressants. Un, entre autres, Andrew, tu m'en avais parlé, j'ai vu le vidéo, j'ai fait effectivement, ça m'intéresse. Ça a l'air un peu basique, mais ça va m'intéresser. Rise, Son of Rome, qui est un beat'em all, un peu, qui fait penser un peu à un God of War, mais dans Rome. Finalement, dans la Rome antique, où on va jouer un général, ou en tout cas un officier, dans l'armée romaine. Donc, il va avoir à gérer les combats au corps à corps, mais aussi d'après ce qu'on a pu entendre, aussi de la commande, de la gestion un peu de troupes sur place pendant les combats. Ouais. Il va être magnifique, puis, ça aussi. L'animation est très, très belle. Ça a l'air d'être gore à souhait. Et les animations de fin de finish him, là, dans le fond, là, pour achever l'ennemi, ça a l'air de toute beauté. Oui, ça va être dans les amateurs de God of War, vous allez trouver. C'est une exclusivité, ça, au niveau d'Xbox One. Donc, ça va être un peu leur franchise à la God of War de leur côté. Donc, surveillez ça. R-Y-S-E. Son of Rome. Autre chose, rapidement, il faut aller vite parce que ça avance rapidement. On a beaucoup de choses. Sunset Overdrive, qui est un genre de shooter troisième personne en animation qui vient d'un studio, je me rappelle pas du nom du studio. Ça a l'air quand même assez intéressant. On peut jouer en coop. Mais il n'y avait pas de gameplay footage. C'était juste une cinématique. J'aurais trouvé intéressant de voir le jeu en lui-même. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Là, ça promet quand même ce petit jeu-là. Ça sera surveillé. Et rapidement, grosse annonce quand même pour les amateurs. Killer Instinct. Enfin, le retour de la franchise Killer Instinct en jeu de combat. Malheureusement, seulement sur Xbox One. Moi, ça me, ben, ça me fera pas acheter la console vu les, ce qu'on a nommé tantôt, mais c'est un bon coup pareil là, de la part de Microsoft d'avoir ramassé ça. Un bon ça. Coup, mais si effectivement ma source anonyme a raison, il y a un petit vice caché en arrière. On aurait entendu dire, selon de certaines sources, que lorsque vous achetez... Certaines sources qui généralement sont bien pluggées. Ouais, quand vous, vous allez acheter le jeu Killer Instinct, vous n'aurez que trois personnages. Ben, deux, trois personnages. Donc, je pense que Glacius, Jago puis Saberwolf, ceux qui ont présenté, ouais. Ça se pourrait très bien. Et après ça, il faudrait acheter les autres personnages. Personnages. Donc, en tout cas, c'est une rumeur. Une source bien placée nous en a parlé. On vérifiera ça à la sortie. Mais écoutez... Il a un petit peu pété ma balloune. Effectivement, c'est un peu plate. En fait, c'est pas un peu, c'est complètement ridicule. Mais bon, c'est un peu c'est dans la vision Microsoft. Écoutez, avec ce qui en vient avec l'Xbox One, faut pas être tellement surpris. Autre jeu, ben là, sans aucune surprise, un titre de la franchise Halo qui a été annoncé également. Oui, puis je pense qu'ils vont faire la même erreur qu'avec leur nom de console. T'as-tu vu un chiffre, toi, après le titre? Non, il s'appelle tout simplement Halo. Est-ce qu'ils vont faire la même gaffe? Et là, on va revenir. Hein? Ils vont restarter comme une nouvelle série Halo. Mais non, parce que Halo 2. C'est pour être la suite. Ça va être Halo 2 One, parce que c'est sur la Xbox One. Ou... Les gens de marketing de Microsoft seraient assez cabochons, je pense, pour le faire, avec ce qui a été annoncé. Donc, en tout cas, les amateurs de Halo, vous voulez vous acheter une Xbox One, vous allez avoir un jeu, bien évidemment. Autre jeu qui vaut la peine d'être nommé, Titanfall, qui va être un first-person shooter, qui va mélanger, finalement. Shooter géant, en tant qu'être humain, puis les mechs. Quand je parle de mechs, évidemment, c'est comme MechWarrior, donc de robots géants. J'ai bien hâte de voir passer ça. Aussi, on va en parler un peu plus tard dans la section de EA. Rapidement, on nous a bien évidemment rappelé que la Xbox 360 n'était pas morte. Il va y avoir à peu près plus d'une centaine de titres qui vont être annoncés d'ici la fin de l'année sur la Xbox 360. C'est aussi la même... J'espère qu'elle n'est pas morte. Le monde qui n'a pas Internet, il faut qu'il reste. Ouais, c'est ça. Ils l'auront dit. Donc, dans les jeux qui ont été nommés, des gros titres, et évidemment Grand Theft Auto 5, Splinter Cell, Blacklist, World of Tanks qui s'en vient sur Xbox 360, quand même intéressant, et Dark Souls 2 qui s'en viennent également... et aussi qui devrait sortir pour sa part en mars 2014. Pour Xbox Live Gold, ben on aura à partir du mois de juillet, on en a parlé tantôt pour les deux titres gratuits. Et pour ceux qui veulent s'acheter une Xbox 360, il y a un nouveau modèle qui est sorti au E3, qui est maintenant disponible, qui ressemble au design de la Xbox One. Donc, c'est principalement ça. Écoute, Andrew, je suis allé rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter rapidement sur Microsoft? Ben, rapidement, en fait, je dirais qu'ils ont mis beaucoup de l'avant la fameuse Surface, là, dans le fond, l'application qu'on peut télécharger... dans le fond, sur les tablettes et les téléphones, qui fait penser un peu à qu'est-ce que l'écran de la manette du Wii U fait, qui est pas une nécessité dans les jeux, ils l'ont dit, mais qui est un plus-value. Mais je vous dirais que je trouve qu'ils ont mis trop d'emphase là-dessus versus la Kinect qu'on est obligé d'avoir avec l'Xbox One. Parce que personnellement, t'as regardé l'entrevue, puis il y a rien qui parlait de la Kinect. Non, tout à fait. À part un jeu. Ben, ça fait du bien parce que les derniers E3, ils ne parlaient que de ça. Mais il y a pas ça. Puis aussi, ils ont embarqué beaucoup là-dessus. Puis ou encore le côté social. Puis là, les films. Ça m'intéresse pas personnellement. On n'en parle pas beaucoup à l'émission parce que je trouve. C'est intéressant quand même d'avoir ça. Mais quand des fois, ça devient le front de ton marketing, selon moi, il y a un problème. En tout cas, c'était la conférence de Microsoft. C'est notre avis sur les sorties. On va continuer en musique et après ça, on vous parle tout de suite de Sony et de sa conférence. Donc, quelle chanson on va aller écouter, Andrew? Le Troll Farceur. Eh oui, du Nile Band. Donc, on va entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll. Il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. À qui il est fort, à qui il est beau, à qui il est grand, mon ami troll du chaos. À qui il est fort, à qui il est beau. moi qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Je lui dis, mon ami, que vas-tu faire de Storm? Je lui dis, mon ami, que vas-tu faire de Storm? Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah, qu'il est fort, ah, qu'il est beau, ah, qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappe vers ma tête. Il brandit sa massue et frappe vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. J'ai évité dans les bois, et quand je me suis retourné, ben il n'était plus là. Et quand je me suis retourné, ben il n'était plus là. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne, ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand, mon ami troll du chaos. Jean-Jean aussi écoute Puissance maximale. Et oui, le retour à Puissance maximale et on continue avec notre spécial E3 pour vous parler des conférences qui se sont passées là-bas. J'ai oublié de vous dire, pour la Xbox One, on nous parle d'un prix de $499 à la sortie, ce qui va comprendre la console, une manette, je crois. Manette et la Kinect 2.0. Qui sera obligatoire et qui vous sera toujours allumée. Non, c'est plus vrai ça. Ah ouais? On va pouvoir l'éteindre. Enfin, et merci. Mais il faut quand même que la Kinect soit branchée dessus. Moi, c'est ça. En tout cas, bref. La grosse dompe. Bref. Je suis en train de m'étouffer tellement je t'en maudis. D'ailleurs, quand on a parlé de la Xbox... Et novembre 2013, je sais pas si tu l'avais dit. Non, novembre 2013, donc la date d'annoncer pour Xbox, pour la sortie Xbox One. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé de la Xbox, on était, moi et Andrew, quand même à un niveau d'écœurite aiguë assez solide à propos de l'industrie. Voyant tous les contrôles qui s'amenaient sur les consoles et là, toutes les contraintes qui arrivaient pour les joueurs. Eh bien, mesdames et messieurs, Sony m'a fait sourire, même rire beaucoup, parce que Sony est allé à contre-courant. Mais en fait, visualiser quelque chose. Avec qu'est-ce que Michael va vous dire, imaginez genre Microsoft, puis t'es comme les anciennes pubs de PC puis de Mac, là, t'es avec I am a Mac, PC. Puis, genre, imagine Sony avec un gun avec à côté de sa tempe de Xbox. Là. Imaginez. Puis là, après ça, puis là, ils ont tiré en disant que, mesdames et messieurs, la machine PS4 va accueillir sans souci les jeux d'occasion. Vous pourrez partager vos jeux entre amis, comme à l'habitude. Vos CD pourront être partagés entre amis, sans problème. Et vous ne serez pas obligé d'être connecté en permanence sur Internet pour que la console fonctionne. Bref, elle est vraiment... C'est un volte-face de ce qu'on pensait qu'ils allaient faire. Ils n'avaient rien annoncé, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Et là... Volte-face complet, vous auriez dû entendre les gens dans la salle Ça a été une ovation. Le président de Sony a pas été capable de parler pendant un bon moment parce que les gens étaient vraiment très, très heureux. Et à ce moment-là, ça a été, selon moi, puis selon beaucoup de monde sur Internet et selon les spécialistes, la fin de la Xbox One pour le E3. Ils ont été complètement, comme on dit dans le métier, au nez. Donc, ça a été fini. Ils ont éclipsé, selon moi, Microsoft, juste avec cette annonce-là, parce que là, Microsoft, ça leur a été grandement, ça a été grandement critiqué, tout, justement, ces DRM, tous les contrôles, l'obligation d'être sur Internet et tout. Mais là, Sony est allé à l'encontre de ça, et je peux vous dire que dans la présentation, rapidement, beaucoup, c'est vraiment le contraire de Microsoft. Avec ces annonces-là, et les jeux qui ont été annoncés, beaucoup d'enthousiasme dans la salle. On sentait vraiment que le monde voulait être là, puis était content de ce qui était annoncé. Il y avait beaucoup plus de rythme, parce que, il y avait de la musique entre les intervenants, c'était bien calibré et tout. Seul autre problème aussi, ils ont eu des problèmes techniques. Au niveau du jeu, ça gelait. Je sais pas si, en tout cas, je sais pas si c'était stagé ou si c'était du vrai gameplay, mais ça gelait sur les grands écrans. Donc, il y a comme la fin de la démonstration d'Assassin's Creed 4, Black Flag, a complètement été arrêtée finalement parce que ça avait plus de bon sens. Il y a le jeu, c'est quel autre jeu aussi? Destiny. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de consoles PS4 disponibles sur le plancher. J'ai vu des vidéos sortir, puis il n'y a pas eu ce genre de problème-là. C'est sûr. Évidemment, là, malchance, ça a donné que. Arrivé juste deux fois, là, ça n'a pas été si mal. Mais quand même, c'est un peu décevant pour une présentation comme ça. C'est un peu pour la même chose pour Microsoft que pour Microsoft. Donc, rapidement, PS Vita, on annonçait des titres. On veut vraiment axer que la PS Vita, ça devient un accessoire, va devenir le compagnon idéal pour la PS4. Mais en fait, il va jouer un peu le rôle de la Microsoft Surface, mais pour la PlayStation, mais à un autre niveau. C'est en fond, il devient le Wii U Gamepad, mais vraiment à 100%. Oh, oui, c'est ça. C'est une autre façon de. C'est ça. Place d'amener vraiment un nouveau contrôleur révolutionnaire, ben, vous allez pouvoir utiliser ça. Mais donc, dans le fond, c'est un peu la relation que Sony voulait avec la PS3 et la PSP qui est jamais arrivée. Sauf que là, ça a de l'air que les développeurs ont de l'air de beaucoup plus embarquer, mais en même temps, la PS Vita en a beaucoup plus sous le capot que ce que la PSP avait à l'époque. Fait que, à mon avis. On a quelque chose. Bon, il va avoir une belle utilisation, ça c'est sûr et certain. On va utiliser les mêmes genres de caractéristiques que sur la Wii, ben le Wii Pad. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, on reste un peu dans la mouture de Nintendo. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'essaie pas d'y enlever plus. Mais bon, mais ça reste quand même une console à part entière, ce qui est quand même vraiment intéressant. Dans les titres annoncés pour Vita, Batman Arkham Origins, Killzone Mercenary, il va y avoir Tearaway, God of War Collectible HD, le 1 et le 2, donc qui va être disponible sur PS Vita, Final Fantasy X, Final Fantasy X 2, Walking Dead aussi, le jeu qui était sorti, qui est très très très populaire. Donc l'épisode 4-5 qui va sortir prochainement. Et 85 jeux, à peu près 85 jeux qui sont prévus d'ici la fin de l'année 2013. Puis c'est la même chose pour la PS3. Il y a beaucoup de titres qui vont être annoncés également sur la PS3. Également, ils ont joué là-dessus comme Microsoft. La PS3 n'est pas morte. Ce qui est quand même bien, faut pas arrêter de produire, est encore bonne. Puis on le sait que la PS3 peut utiliser sa pleine capacité encore. Donc, go, go, go. Autre, rapidement encore, la prochaine sortie PS3, Puppeteer Reign, Beyond, Two Souls, ça va être, c'est de la gang qui avait fait Heavy Rain à l'époque. J'ai vraiment hâte d'avoir ça sous la main. Kingdom Hearts 1.5 HD. Oui, qui va être également disponible sur PS3. Et Gran Turismo 6 qui s'en vient. Ça, un peu moins, parce que le 5, c'est tellement extraordinaire que le 6... les gens étaient bien contents quand ils ont vu ça, quand même, mais moi, je me fais pas trop d'illusions à ce niveau-là. Ils ont montré la console, la PS4, ils l'ont montré au E3. Il y a beaucoup de monde... J'ai trouvé ça drôle, parce qu'effectivement, quand tu la vois de face, là, j'avais vu une image Internet, il disait que la Xbox One était designée comme une police en gras, puis la PS4 était en italique. Ouais. Puis la Wii U est en comics sans MS. J'ai trouvé ça très drôle. Mais non, c'est ça, rien. C'est très, très, très carré. Ça fait design, mais moi, je m'en fous, là, carrément. Là. Il y a des gens qui l'ont pas aimé, le design. Moi, je m'en sac, là, pourvu que la machine marche bien. Là. Ben, c'est ça. Elle est noire et carrée, il y a des angles dedans. Ça fit bien dans un salon, selon moi. Là. Mais bref. On n'ira pas plus loin à ce niveau-là, on s'en sac un peu. Il y a 40 titres qui sont annoncés pour PS4, entre autres The Order, qui a l'air quand même assez intéressant, qui est un genre de survival horror dans un univers steampunk à Londres au 19e siècle. Ça a l'air vraiment intéressant, mais on n'a pas vu de gameplay, là, on a vu un trailer. Donc l'univers a l'air le fun. Pour le reste, on verra à ce moment-là. Drive Club, qui est un jeu de course. Écoutez, moi, on n'a pas vu grand-chose, là, à part, ben, capacité, c'est ça, c'est, ils nous disent que ça va prendre la console au maximum dès le départ, donc on devrait avoir un jeu très beau au niveau de la course. Ben, Drive Club, généralement, ils sortent des très beaux jeux. Donc, on a hâte de voir ça également, et un partenariat auquel on ne s'entendait pas nécessairement, avec Bethesda, qui, on va avoir, les gens auront accès à Elder Scrolls Online sur la PS4, et uniquement, là, ça va être sur PC puis sur PS4, that's it. Ça, c'est un bon coup, ça, je trouve. Moi, je suis pas un fan des MMO, mais quand même, le côté marketing... Il y en a des fans. Ben oui, tout à fait. Ça se vend encore, les gens jouent beaucoup. Donc, c'est un beau coup pour PlayStation, pour Sony. Dans les autres gros noms, évidemment, Watch Dogs, que moi, là, j'ai vu un gameplay, là, j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là, qui va être sur PC. Là, moi, je vais aller me chercher ça sur PC, c'est sûr. Un gros, gros titre de Ubisoft qui s'en vient. Moi, je vais l'essayer sur PS4, par principe qu'il avait mis beaucoup de l'avant l'interaction avec les autres joueurs dans la version PS4, que dans le fond, tu pouvais aller hacker les games des autres et vice versa. Puis ça, c'est, je pense, cette fonction-là a juste été démontrée dans la version PS4. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut avoir un plus-value. Effectivement, on va pouvoir s'en reparler parce que là, je vous annonce officiellement que M. Castagnan a fait sa précommande de PS4 déjà. Ouais, ben, on a du stock un peu, on va faire du ménage dans nos jeux, puis on devrait être bon pour payer ça. Et on va aller se chercher. Andrew va voir ça, PC de mon côté, on va pouvoir comparer les versions, même, si vous voulez, de ce superbe titre qui s'en vient pour Ubisoft. Autre titre, Destiny, de la gang de Bungie, l'ancienne gang qui faisait Halo. Ça a l'air le fun, ça a l'air intéressant. Un co-op, c'est encore des. Je sais pas, c'est des humains qui ont différents types de personnages. C'est un shooter, c'est un FPS, mais avec différents types de personnages qui vont se battre contre un type d'alien. Là. C'est très beau, superbe jeu. J'ai quand même hâte de le voir. On a vu du gameplay quand même intéressant. Un long gameplay. Je pense une vingtaine de minutes à la fin de la conférence. Quand même impressionnant, mais ça reste un shooter. Autre annonce que moi j'ai hâte de voir, un jeu sur Mad Max, donc franchise. On avait fait des jeux à propos de ça, je pense. Et vieille. Franchise de films, entre autres avec Mel Gibson, post-apo, avec des bonhommes avec des chars, refaites avec de la ferraille. C'est assez violent comme film. Donc, Mad Max, c'est un jeu qui s'en vient. Et comme on disait là, tantôt, les annonces d'aucun contrôle au niveau des jeux de location, au niveau des jeux usagés, basés sur disque. Et pas absolument de cloud gaming obligatoire, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'être sur Internet si vous voulez profiter de votre jeu single player. Le cloud gaming, ils ont mis ça plus de l'avant pour les jeux de PlayStation 1, 2 et 3. Ouais, puis ça va être aussi. Vous devrez être sur Internet pour les multiplayer, mais sinon, single player sans problème, offline également. Il y a deux titres que tu n'as pas parlé. Vas-y donc. Final Fantasy XV. Oui, et. Kingdom Hearts. 3. Oh oui, des annonces de Square Enix. Écoutez, ils nous ont présenté ça, Final Fantasy, le fameux projet Versus. Puis là, finalement, à la fin de la présentation, le titre explose et revient comme étant Final Fantasy 15. Et mon Dieu, qu'il a de l'air hot. Ouais, il est fait par la gang de Kingdom Hearts. Fait que, tu sais, on voit un peu de in-game footage, là. Puis, c'est un Kingdom Hearts, mais plus mature. T'sais, si on regarde le gameplay, là, c'est exactement la même console. Ça n'a pas l'air d'être du combat tour à tour. Non, c'est exactement la même console de combat que Kingdom Hearts, mais beaucoup plus vite, beaucoup plus mature, beaucoup plus... Il y a de l'air tough. Ouais. Il est superbe. C'est une grosse force de Square Enix. Donc, surveillez ça. Puis Kingdom Hearts 3, Andrew attendait ça depuis des années. Ben là, ils pouvaient pas le faire tant ou son temps que Final Fantasy Versus 13 était pas fini. Puis là, ils l'ont montré, ils ont dit, regardez, il est fini, il sort sur PS4. Puis regarde, on vous annonce, on développe Kingdom Hearts 3, puis il sort en 2014. J'ai fait... Ah ben, il y a beaucoup de monde. J'ai eu une semi-croquante. Quand le titre a été annoncé en salle, là, on a entendu le monde qui était content. Là. Ça fait longtemps que c'est attendu, ce titre-là. Autre grosse nouvelle par rapport à Sony et la PS4, le prix de sortie sera de 399$. D'où pourquoi que j'ai fait « OK ». 100$ de moins que la Xbox One. Côté hardware, là, côté puissance de machine, faut s'attendre. Est-ce qu'on doit s'attendre à peu près à la même chose, Andrew? Ou... Que la Xbox One, c'est presque identique. Presque identique. Donc, Puis, évidemment, là, par exemple, là, pour le multiplayer, PlayStation Plus va devenir obligatoire, si j'ai bien compris. 5$ par mois. 5$ par mois, ça revient à peu près au même que Xbox Live. Moi, je suis d'opinion que s'ils font ça, que leur service est stable et plus rapide. Plus sécuritaire. Puis quand tu cherches une game pour jouer, mettons, à Injustice, que ça prend pas 8 ans avant que tu trouves une game, ben moi, ça me dérange pas pantôt de te donner 5$ par mois. Votre compte va être transférable si vous en avez un déjà présentement. Donc, ça vaut la peine. Moi, je trouve ça un peu plate, mais quand même, justement, si le service est au rendez-vous, moi, j'ai pas de problème avec ça de payer un petit peu plus pour le service. En plus, ils donnent plein de jeux gratuits. Fait que, on s'entend-tu pour 5$ par mois? Aussi, effectivement. Donc, écoutez, très enthousiaste pour la PlayStation 4. Revirement de situation au niveau de ce qu'on vous a parlé tantôt. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que Puissance Maximale va avoir l'occasion peut-être de tester les deux. Parce que, t'es, comme on disait, moi, j'ai la PS4 que j'ai commandée, mais il y a notre ami collaborateur, Éric Lajeunesse, que lui a penché plus pour la tangente Xbox One. On a hâte de voir quand même, de tester la machine, on a hâte de voir ce qu'elle a sous le capot, donc c'est sûr qu'on va pouvoir parler de tout ça prochainement, aux sorties des consoles, on va se reparler, ça c'est sûr et certain. Et écoutez, on va devoir aller en musique, à moins que... Je vais juste compléter une dernière chose. C'est juste parce qu'on vous a parlé des deux côtés, mais juste pour vous donner un petit peu l'enthousiasme des joueurs, Amazon a fait un sondage au niveau de qu'est-ce que les joueurs prévoyaient acheter entre la PS4 et la Xbox One. Et il y a eu quelqu'un de la planque, jeux vidéo, qui a mis une capture d'écran du site sur leur Facebook. Veux-tu savoir combien de personnes prévoient acheter une PS4? Vas-y donc. 15 359 actuellement qui ont répondu au sondage sur Amazon. Versus combien pour l'Xbox One? 900 quelque chose. 910. C'est assez... c'est à peu près 15 fois plus de personnes veulent avoir la PS4. Écoutez, avec les annonces qui ont été faites et la tangente que prend Microsoft, ça m'étonne pas du tout. On va aller en musique rapidement et après ça, on vous revient pour faire un wrap-up des trois dernières conférences très, très, très rapidement pour vous parler de Nintendo, EA et Ubisoft à puissance maximale. Quelle chanson on va écouter, Andrew? Seven Deadly Sins. Oui, Seven Deadly Sins de Flogging Molly, un petit peu de truc irlando, néo-irlandais, traditionnel, dans vos oreilles, à puissance maximale, sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Sail away on a ball and chain and keep us from the roaring waves. Get her on the voided, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is full and so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Settled out and left us up on reeling. Johnny's from the standing on left passenger to seal it. What became of rebels? Who set for you and me? They're up with their demons in the search for liberty. Now sufferers who suffer all can swim upon the desert. Avarice and ravage all in spite of good intention. Don't you help but gluttony for pride old Johnny's will. But none's unforgiven in the four corners of hell. So sail away on a ball and chain. Keep us from the roaring winds. Get her on the void of the river. Seven drunken pirates with the seven deadly sins. Seven drunken pirates with the seven deadly sins. Yeah. Evil twin, a trip to bed with slander. Idiots, they gave advice, but slot, they gave no answer. Anger kills a human soul, a bitter tale of lust. Like pebbles, dogs keep chewing on the legs they never trust. Oh, sail away on a ball and chain. Keep us from the roaring waves. Get along the void of up forever, we'll be free. Sail away on a ball and ring, the moon is long and so away. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! We'll know. sense. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et là on va vous parler, mesdames et messieurs, des conférences ou annonces, là. Bref, de Nintendo, Ubisoft et EA. On va faire ça très rondement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va commencer avec Nintendo. Écoutez, que des annonces, que des confirmations de titres, rien de spécial, en fait rien du tout. À part ça, un peu décevant pour Nintendo. Ils savent, hein, parce que ça c'est une grosse critique qui ressort depuis la sortie. Pas de nouveautés. On n'a pas. Les gens qui ont la bibliothèque de jeux, quand c'est sorti, that's it, les gens commencent à trouver ça long. Donc là, ils ont confirmé des titres qui allaient s'en venir. Entre autres, Wii Party You, Just Dance 4 et Wii Fit You pour les sportifs du dimanche, comme dit ma petite feuille. Donc ça, c'est des jeux qui ont été annoncés. Aussi, il va y avoir une adaptation de Zelda, de Legend of Zelda de Wind Waker, et Andrew me disait que ça va être une version plus HD. Oui, en fait, ça va être une version Director's Cut. Dans le fond, le directeur artistique et le scénariste a dit, ben, il y avait des choses qu'on pouvait pas faire à l'époque sur le GameCube, et là, on va se le permettre sur la Wii U, puis il y a des choses que vous avez pas aimées, qu'on a décidé de modifier. Et on va mettre des graphiques HD, et j'ai vu la cinématique et j'ai fait, t'es du beau cell shading là. Mais ça peut être, ça peut être facilement raté du cell shading, mais on a bien hâte de voir ça. Autre titre qui s'en vient rapidement, Super Mario 3D World, donc le retour à la 3D pour Mario, donc un peu à la Mario 64. Mario 64, donc qui avec un nouveau costume que j'ai mis dans les... Le costume char. Donc, ouais, c'est ça. On n'était pas trop sûr de ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui est bien, c'est que là, vous avez quatre personnages. Mario, Luigi, Peach, Toad. Chacun avec leur propre faculté. Mario étant Mario. Luigi pouvant sauter plus haut. Peach pouvant flotter. Et Toad courant plus vite. Comme qu'est-ce qu'on reconnaît Super Mario 2 sur la NES. Et voilà. Donc, d'autres titres qui s'en viennent. Smash Bros. Un nouveau Smash Bros. Qui s'en vient pour la Wii U et pour la 3DS. Trois nouveaux combattants confirmés. Le villageois de Animal Crossing, Megaman. Oui, Megaman. Megaman, ça c'est solide. Le Wii Fit Trainer. D'accord. Et en passant, ça a été confirmé, Smash est élaboré en collaboration avec Namco Bandai pour la version Wii U. Donc, si vous mettez pas Pac-Man, je vous fusille et je vous bats à coups de barre à clous. Andrew aime beaucoup Pac-Man. Donc... un titre qui s'en vient, qui est très attendu, bien évidemment, comme à chaque annonce de console pour Nintendo, un Smash Bros. Qui s'en vient. D'ailleurs, excuse-moi rapidement, ils ont montré des images de la version 3DS et de la version Wii. Ça va être sensiblement le même jeu. Des arènes vont être exclusives sur la 3DS, des arènes vont être exclusives sur la Wii U. Sur la 3DS, c'est un graphique style cel shading, tandis que la Wii U, on y va avec des graphiques vraiment comme la Wii U peut faire, donc de plus haute qualité. En HD, bien évidemment. En HD. Autre titre, Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui s'en vient également. Et on va avec Ubisoft chez Nintendo, qui annonce quand même plusieurs titres. Rayman, un nouveau Rayman qui s'en vient. Rayman Legends, en fait. Splinter Cell Blacklist aussi, qui aura sa version Wii U. Assassin's Creed 4 Black Flag, bien évidemment. Et Watch Dogs. Ça, Watch Dogs, avec le pad de la Wii U, j'avoue qu'il va avoir une expérience là vraiment intéressante. J'ai hâte de voir la version. Ben, j'ai hâte qu'ils sortent des détails, en fait. Qu'on sache que c'est quoi l'impact que le gamepad va avoir. J'espère qu'ils vont en avoir un. J'espère qu'ils vont l'utiliser parce que là, ça serait ridicule. Mais peut-être qu'ils vont être utilisés justement avec la version peut-être du PS Vita là, sur le PS4. On sait pas. On va bien voir. Puis les gens peuvent nous aider. On a vu ça avec une démonstration sur PlayStation. Les gens avec une tablette peuvent nous aider pendant qu'on joue à Watch Dogs. Pendant une fuite, disons, ce qu'on a vu, c'est que la personne qui avait le pad faisait lever des bloqueurs dans les rues pour arrêter les voitures. Donc, encore là, on pense à un autre niveau du deuxième du jeu coopératif. Là. Donc, ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent pas vraiment jouer, mais juste taponner comme ça avec notre ami, là, prendre une petite bière tranquille. Notre blonde. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas Une autre possibilité, effectivement. Autre possibilité, donc, avec Watch Dogs. Dans les autres titres, qui va avoir Skylanders, Swap Force, qui a été annoncé, Batman Arkham Origins, bien évidemment, Square Enix a annoncé Deus Ex Human Revolution Director's Cut sur la Wii U, et Sega va venir aussi avec des titres comme Sonic Lost World et Bayonetta 2. Je le veux. On va hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, d'autres titres, rapidement... Il va y avoir aussi des titres, c'est ça, sur la 3DS. La 3DS n'a pas été grattée beaucoup avec ce 3-là. Seulement 5 titres annoncés. Shin Megami, qui a été annoncé, Tensei 4. Skylander, Swap Force, Sonic Lost World, qui va avoir sa version. Et Smash Bros. Aussi, qui va être là. Et des nouveaux jeux Pokémon. Et avec ces nouveaux jeux Pokémon, le X et le Y, vous allez pouvoir... il va y avoir un nouveau type de Pokémon, le type Fée. Et évidemment, vous allez pouvoir aussi jouer à, comme avec Nintendogs, donc caresser vos Pokémon. Style Tamagotchi, genre pour augmenter votre liaison, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc c'est un peu tout là, pour mais, Nintendo. Par exemple, Pokémon font un gros pari, changent et passent au mode 3D pour les combats. Donc, ça ne sera plus des petits dessins de Pokémon qui font des en glissant sur le côté pour animer le combat. Là, on va avoir vraiment pleine animation comme à l'époque des Pokémon Stadium. Et voilà. Bon, c'est pas vraiment un gros pari. Ça avait été quand même assez bien réussi. Moi, j'aime bien ça. En tout cas, on verra bien. Mais c'était temps. Ouais. On va passer à Ubisoft rapidement dans les projets d'envergure qui ont été nommés. Il y a le jeu The Crew, qui est un jeu de voiture dans un monde ouvert qui va avoir des courses sur terrain varié et diverses bolides, qui va être disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Il va avoir aussi... Ben, ça va être un peu style Need for Speed, là. Comme jeu. Aussi, il va y avoir Tom Clancy's The Division, dont vous connaissez un peu. C'est en mode MMO, ça, par exemple. Un jeu d'action, donc de tir à la troisième personne, si je me rappelle bien. Et voilà, tout simplement, on est dans un New York envahi par un virus mortel. Et là, c'est le contexte. Puis là, on va aller se bastonner contre, avec du monde et contre du monde dans ce jeu. Rapidement comme ça, là, on fait ça vite. Splinter Cell Blacklist aussi, bien, qui a été réannoncé. Rayman Legends, on en a parlé tantôt. Et on rappelle que Ubisoft a ramassé la licence de South Park. Parce qu'il y a un jeu, il y a un RPG qui s'en vient, South Park. De Stick of Truth qui s'en vient et moi j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu là et j'ai bien aimé le trailer où il dit devrait sortir dans le coin de Noël cette année ou plus tard, vous savez les jeux c'est comme ça, les jeux vidéo c'est comme ça parce que Ubisoft a racheté à 2K Games il paraîtrait que c'était le bordel dans ce jeu là, que le jeu était loin d'être terminé puis là ils ont fait bon on va s'asseoir on en va fait remettre... pas à 2K Games à THQ désolé ouais c'est ça, mais il paraîtrait qu'il était très loin d'être terminé puis ils ont fait bon on va se rasseoir à la table de dessin là. On va essayer de faire de quoi qui se tient avec ça. Fait que... RPG, moi j'adore la série, là, pour les gens qui connaissent pas South Park. Qu'est-ce que vous faites à nous écouter? Allez écouter, non, c'est pas vrai. Attendez que l'émission soit terminée. Pour le temps qu'il reste, surtout. Ouais, c'est ça. Puis allez écouter South Park tout de suite après. Mais moi j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ça dans les mains puis de tester ça. C'est sûr qu'on va vous en parler à l'émission quand ça va sortir. Et d'autres jeux rapidement, Just Dance 2014 qui s'en vient. Il va y avoir des jeux comme les Lapins Crétins, bien évidemment, là, qui vont avoir une version sur Xbox One qui va s'en venir. Et sinon, Rocksmith édition 2014 qui est annoncé avec Jerry Cantrell qui est du groupe Alice in Chains qui était au début de la conférence de Ubisoft qui nous a fait une petite démonstration de cette nouvelle mouture de Rocksmith faite par Ubisoft. Et passons rapidement à EA qui a fait quand même plusieurs annonces de gros titres. Des DLC en masse, non? Des DLC en masse, en fait, ils ont annoncé 11 jeux. Lors de leur conférence, entre autres, vous allez avoir, il y a des jeux qui sont sur toutes les consoles, là, Xbox One, PS4, PC, PS3, Xbox 360. Vous allez avoir des jeux, ben, Plants vs Zombies, qui est quand même un gros titre qui s'en vient, qui est un, qui va virer finalement en third person shooter. En third person shooter. Donc pour les amateurs de la série, vous allez pouvoir avoir ça sur Xbox One. Sous un autre angle. Ouais, et Xbox 360 aussi. On vous rappelle, on va reparler un peu de Titanfall, donc le jeu où vous allez être, où qui va se mélanger justement soldat et MechWarrior. En fait, je pense que la façon la plus simple pour vous de le voir ce jeu-là, c'est d'aller chercher le trailer. Aller chercher le trailer puis le gameplay, c'est vraiment intéressant. Ça va être un super beau, et ça, je suis content d'apprendre que ça va être sur Xbox. Xbox 360 et PC. Sur PC, ça va avoir de la gueule, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte d'avoir ça entre les mains aussi pour tester ça pour vous, mesdames et messieurs. Avec un nouvel engin graphique qui s'appelle le Source Engine et 60 images secondes. J'ai bien hâte justement de voir ça sur mon écran. Surtout que tu as un écran. un bel écran HD chez nous, j'ai hâte de tester ça. Autre grosse nouvelle, ça, on était content, mon Piendrou, Star Wars Battlefront. Fait par DICE, donc la gang de Battlefield. Et avec quoi qu'ils vont faire ça, mesdames et messieurs? Avec le Frostbite 3, l'engin de Battlefield 4 dans l'univers Star Wars. Fait que là, pas d'excuses, vous mettez des véhicules. Oh oui, ben c'est ça, il va avoir, j'ai vraiment hâte aussi de toucher. Ben juste le petit teaser, là. J'aime pas y aller, j'aime pas la façon qu'il fait de la business. Mais maudit qu'il sorte des bons jeux. Puis dans dans les autres jeux qui vont sortir, Battlefront va être disponible sur PS4, Xbox One et PC. Ça, c'est en tout cas, selon moi, c'est un code PC. Bon, oui, jeu de shooter. Pour moi, en tout cas, beaucoup de monde qui joue à Call of Duty et autres. À niveau, la communauté de joueurs en ligne est plus grande sur PC pour ces jeux-là, de toute façon. De toute façon. Autre titre annoncé, Need for Speed Rivals, qui s'en vient. Encore, évidemment, une histoire de poursuite qui est dans un monde ouvert. Ça s'en vient le monde ouvert devient de plus en plus... Le monde aime ça. C'est ça, de plus en plus la référence dans plusieurs jeux. Grand Theft Auto a un peu lancé la danse. Il y a de ça quelques années. Mais là, il y a une tangente que plusieurs développeurs prennent finalement pour leurs différentes franchises. Vous allez avoir, et aussi, il y a eu l'annonce d'un long métrage, donc du film Need for Speed, qui devrait sortir au printemps prochain, dans un an. Bon, un genre de rival à Rapide et Dangereux 26 000. Qui sait, je penserais pas me déplacer au cinéma pour aller voir ça. Autre grosse annonce, Dragon Age Inquisition, donc le troisième titre de la franchise Dragon Age. On rappelle que le deuxième titre avait pas été super bien accueilli par la critique et par la communauté, mais là, BioWare aimerait ça justement ramener... peut redorer la franchise avec ce troisième titre-là. Moi, déjà, avec le titre, je capote. Inquisition. J'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Ça va être malheureusement pas avant un an et ce sera disponible sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et, bien évidemment, le PC. Autre titre, évidemment, toutes les franchises de EA Sports, donc FIFA, NBA, vous allez avoir UFC, Madden aussi, qui ont été annoncés. Qui s'en viennent, bien évidemment, et un nouveau moteur aussi encore, le moteur Ignite, avec une meilleure finalement plus de précision dans les mouvements, une meilleure physique justement pour les jeux de sport qui ont été annoncés par EA. Et finalement, oui, on est rendu à la fin, il y a eu finalement un gros démo gameplay de Battlefield 4, très impressionnant encore une fois. J'ai vu le chose multijoueur, à un moment donné, il rentre dans un métro. Il pète les piliers de la route et la route tombe dans le métro avec le tank. Ça, c'est une grosse force. C'est une grosse force, justement, de Battlefield. Et avec les fameuses tablettes, là. Ouais. Quand un missile Tomahawk sur une bâtisse, puis que la bâtisse s'écrase. Ouais. Avec le monde dedans. Ça, ouais, ça, c'est j'ai bien hâte de voir si ça reste, les possibilités. Là. Si ça reste, puis que ça saute pas parce que les serveurs tiennent pas. Je veux ce jeu-là. On a hâte de le tester, ça c'est sûr et certain. Et un autre jeu qui a été annoncé, Mirror's Edge 2, qui a été annoncé aussi, qui va mélanger finalement parcours et FPS. Autre annonce de EA. Écoutez, c'est déjà terminé. Conclusion rapide. Ouais, c'est ça, c'est déjà terminé pour les annonces. Andrew, ta conclusion sur le 3, sur... Une belle année pour Sony. Sega Spectrum n'a pas été annoncé. Finalement. Fait qu'il faut croire que c'était un fake. Petite déception. On va garder 30 secondes de silence. Non, on n'a pas le temps. Grosse déception, en fait. Grosse déception. En fait, Sega, en fait, ils n'ont pas fait de conférence proprement dit. Sega ont juste sorti leur line-up et ça se résume à Sonic, des jeux de course. T'es dans le fond. C'est, puis son Shogun Total War. Pas Shogun, c'est Rome Total War 2. Puis après ça, il y a eu. Ouais, ben, bref, l'autre jeu m'échappe. Mais bref, ils n'ont pas fait de grosses annonces à se jeter par terre. C'est des choses qui avaient déjà été annoncées. Il y a juste l'accord qu'ils ont fait avec Nintendo qui n'a pas été élaboré. Parce qu'ils ont signé un gros contrat là, avec Nintendo là, avant le E3, puis il n'y a pas eu de détails suite à ça. Fait qu'on ne sait pas si c'est du hardware ou encore du... hardware, je parle des accessoires. Oh oui. Ou encore du jeu exclusif. Pas eu de détails encore là-dessus. Mais effectivement, Andrew, je vais être obligé d'être d'accord avec toute grosse année pour Sony. En tout cas, on rappelle, il faut pas être trop enthousiaste parce que Sony ont tendance à reculer sur ce qu'ils annoncent lors des conférences dans ces affaires-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais pour le moment, avec cette annonce-là, s'ils reculent, ils vont être encore plus dans la merde, je pense, que Microsoft. Mais il faut pas qu'ils fassent signe de faiblesse. Non, effectivement, ils ont vraiment fait un pied de nez à Microsoft, là. Microsoft s'en farce au... Là, présentement, il y a des gens chez Microsoft qui doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup sacrer et blasphémer avec ce qui est annoncé chez Sony. Mais avec ce que le porte-parole de Microsoft a dit... En plus. Moi personnellement, il aurait pu sa job. Ouais, effectivement. Ça se dit pas. Ça se dit pas des consommateurs. Mais bref, écoutez, on a été très rapide. On voulait vous parler de tout. On a pas mal parlé de tout ce qui était intéressant au E3. Mon ami Michael Michaud, votre animateur, toujours content de vous parler de jeux à chaque semaine. Merci, monsieur Castegan, d'avoir été là. Une émission trop rapide, encore une fois. Merci, Andrew, d'être là. Ça fait plaisir. Et on vous rappelle www.puissancemaximale.com pour écouter toutes nos émissions en podcast et autres nouvelles, écouter des entrevues qu'on a fait également. Facebook, Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime pour avoir les annonces de l'émission en exclusivité et aussi participer à la campagne de financement de l'émission. On vous rappelle qu'il n'a aucun rapport avec la station Sequoia, seulement pour l'émission. Allez donner sur le site Indiegogo pour l'émission. On vous rappelle, et je vous dis comme à chaque semaine, mesdames et messieurs, qu'il faut passer une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die.